indiscipliné encore un matin. Maudit tabarouette. On s'en va quelques secondes de retard rejoindre André Arthur. Mais c'est pas normandin, je vais m'en prendre pour la garde de l'autre fois. Ah oui, c'est correct ça. Mais les petites filles, ils t'ont pardonné. Ils m'ont pardonné, hein? Oui, voyons. OK. Hey, André. Oui. Je viens d'apprendre pendant la pause. Là, ce matin, ben là, on parle beaucoup du Canadien. Dans la supposée fièvre du hockey, là. Yeah, sure. Je suis pas capable d'embarquer à cause de Théo. J'essaye, là. J'ai acheté mon pyjama à pattes, tout. J'ai tout, là. Mais je suis pas capable. Puis, je pensais de parler de Stéphane Quintal. Les gars de hockey ont pas nécessairement beaucoup de choses à dire, mais Stéphane est un gars qui est probablement le plus terre à terre des joueurs du Canadien. C'est un gars qui a un gros cœur, la preuve, avec. C'est pas le gars le plus talentueux, mais il est là pour une raison spécifique. C'est un gars qui travaille fort, c'est un gros gars, puis c'est un leader. Il a pris l'initiative personnelle, par contre, de nous parler pendant les playoffs. On y a parlé hier. Mais là, le Canadien est en panique. Hey, tu parleras pas à choix. Puis là, as-tu vu dans les organisations maintenant qui se prennent de plus en plus au sérieux, il y a des dirigeants là, comme le directeur des communications. Dans ce cas-ci, c'est Donald Beauchamp. Pourquoi il veut pas parler à Chouin? Ah, parce que Chouin est pas toujours tendre envers certains membres du Canadien, puis pas toujours pro-Canadien, puis en plus qu'on aurait dit que justement Stéphane il est encore dans la Ligue nationale parce qu'il a un grand cœur et non pas à cause de son talent. Donc il va lui faire entendre ça. Regarde Stéphane, ce qu'il a dit de toi, là. Tu vas parler à ce gars-là qui a dit que t'avais pas de talent. S'il y en a un qui sait qu'il a des mains limitées, c'est Stéphane Quintal. Il n'y a pas besoin de Donald Beauchamp, là, ou de Jeff Fillion, là. Il connaît son talent. Mais c'est très fragile, le monde des athlètes. C'est des gens qui n'ont pas vraiment les réflexes que tu imagines. C'est fragile. Ça a peur de tout. C'est craintif. Regarde, combien est-ce qu'il y en a qui se rappellent des invraisemblables déclarations là, de nos athlètes poli-poli de Québec, là, Marc Tardif, puis les autres. Regarde, est-ce quelqu'un qui se rappelle d'une seule déclaration d'un seul athlète des Nordiques de Québec durant tout le temps où ils ont été à Québec? Pantoute, c'est des spécialistes de l'insignifiance. C'est des gens qui veulent parler pour faire plaisir, mais qui veulent rien dire qui soit mémorable. Je te dirais qu'une des raisons, la semaine passée, on parlait de Jacques Villeneuve, puis il y a deux choses pourquoi je ferme ma gueule sur Jacques Villeneuve sur trois. Son CV, puis ses commentaires qui sont toujours juteux où il s'en retient jamais. Pour son arrogance, son côté hautain, je suis pas capable et probablement qu'il y a un déchirement en « je l'aime-tu ou je l'haïs-tu ». Une journée, je peux l'aimer, l'autre journée, je l'haïs. Il donne la bonne copie. Mais au moins, il donne la bonne copie, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de sportifs. Exact. Et par contre, je suis surpris de voir que souvent, au Canada anglais et aux États-Unis, les athlètes, peut-être c'est parce qu'ils sont plus nombreux, en ont plus à dire. Pourquoi ça, hein? C'est pas la langue? Non, c'est peut-être l'effet du sport scolaire et du sport universitaire. La majorité de nos athlètes au Québec sont des athlètes de hockey, donc des gens qui ont passé dans le moule débile de la Ligue junior, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais eu besoin de se servir de leur cerveau, des gens qui n'ont pas été élevés pour ça. Tandis que unis au Canada anglais, beaucoup d'athlètes dans plusieurs sports sont passés à travers la filière universitaire, ont fait des études, ont été obligés de se servir de leur cerveau de temps en temps, puis ça paraît. On prend un exemple. Prenons CBC, comparativement à Radio-Canada, ou embarque là-dedans RDS, où la trouvaille de tous les joueurs retraités depuis quelques années, le joueur qu'on a trouvé qui avait le plus de bagou, le plus de vocabulaire, puis il avait un côté communicateur, c'est Benoît Brunet, c'est ça son nom? Le Canadien, là, qui était souvent blessé, on l'appelle la pharmacie Brunet, il a engraissé comme ça se peut pas, lui, en l'espace de 6 mois. Benoît Brunet, c'est un pauvre type, là. Il n'y a rien à dire, c'est vide, c'est inodore. Il conventionnel. C'est conventionnel. Tu t'en vas écouter CBC, tu vas écouter outre Don Cherry. Don Cherry, là, regarde, on va passer outre Don Cherry, on va réveiller des morts, puis je ne vais pas les réveiller. Allons à l'autre période, en deuxième, Hot Stove, qui est animé par les gens de Radio-Canada, avec, entre autres, John Davidson, c'est ça, l'ancien gardien des Rangers, oui. Qui est à ESPN. Oui, c'est fort. T'as Kelly Rudy, lui, est à TSN maintenant. Il est à Sportsnet. Il est excellent. Ouais. Il est excellent. Puis t'as Brett Hull qui se joint de plus en plus à eux. La rumeur veut que si Don Cherry n'est pas renouvelé à cause des pressions des politiciens et aussi des journalistes québécois, s'il n'est pas renouvelé à CBC, c'est Brett Hull qui le remplacerait. Écoute, Brett Hull, j'écoutais Marie nous raconter l'histoire sur Hachek, comment ça s'était terminé cette année avec Détroit. Des choses que jamais on aurait entendu de la part d'un joueur du Canadien les 30 dernières années, à savoir comment ça s'est passé vraiment dans la chambre. Tu as la même chose avec le baseball. Un des meilleurs analystes de baseball actuellement, c'est Tim McCarver, qui a des émissions sur les réseaux américains, qui est souvent consulté, qui est un des meilleurs commentateurs que tu puisses avoir. Si jamais, mais je ne sais pas quel réseau de l'embauche est ainsi, là, mais quand tu as la chance d'avoir Tim McCarver parmi les commentateurs d'un match, tu sais que tu vas apprendre des choses que tu n'aurais pas su autrement. Et tu arrives au Québec, des gens qui sont complètement surfaits et complètement idiots comme Roger Brulotte, dont je peux même douter de l'intégrité, ou des gens, on a maintenant le baseball des expos, nous assez connus, tu sais, Mark Griffin était peut-être un gars qui avait du beau potentiel, mais je pense pas me rappeler d'un seul commentaire de Mark Griffin qu'il aurait fait au long des années et qui m'aurait dit, waouh, oh, ça vient de faire quelque chose, ou Claude Raymond, dont la ritournelle au début de sa carrière de commentateur était « J'ai joué avec lui ». Ensuite, 10 ans plus tard, c'était « J'ai joué avec son père ». Puis là, maintenant, régulièrement, il nous dit « Je connais ce joueur-là, j'ai joué avec son grand-père ». OK? C'est des gens qui ne nous apportent strictement rien. C'est-à-dire des gens qui parlent pour rien dire. On va rajouter à ça, pour aller dans plusieurs sports, le Chris Collinsworth, qui est un ancien receveur de passe au football, qui est comme commentateur dans un match quand Fox a Chris Collinsworth avec l'ex-carrière là, des Cowboys. Voyons, je sais pas si c'est vrai. Hein? Comment? Tu parlais de Aikman? Oui, Troy Aikman. Ah, voilà. Tu sais, là, t'as toute cette équipe-là. Souvent, je pense que c'est le gars du baseball, Joe Buck, qui est avec lui. C'est un trio tellement solide. Il n'y a pas d'autre chose. Tu écoutes ça, c'est une chanson. Tu te régales. C'est des jeunes, par contre, qui, pour arriver dans le football organisé, dans leur cas, ont traversé la filière universitaire. Ils ont été obligés de suivre des cours. Ils ont été obligés de passer des examens. Ils ont été obligés de maintenir un régime académique pour justifier leur présence sur l'équipe de football. Ce qui est absolument invraisemblable chez un jeune Québécois au hockey. Un jeune Québécois au hockey, à moins de prendre la filière universitaire, et à ce moment-là, ça prend quelqu'un de déterminé et de courageux, mais la filière normale pour un joueur de hockey, c'est d'abandonner ses études un peu avant le secondaire 5 et de s'en aller dans la Ligue junior en espérant être autre chose qu'un livreur de bière pour le restant de ses jours. Moi, je retiens un petit commentaire de Stéphane hier, peut-être qu'il l'a mis dans l'eau bouillante. Ça a duré peut-être 2 secondes, je ne sais pas si les gens qui l'ont entendu ont remarqué. Quand je lui ai dit, mais hey, Kovalev, il me semble qu'un gars d'impact comme ça qui est rendu sur le 4e trio, ça n'a pas de bon sens. Il m'a dit, il n'est pas sur le 4e trio, mais je dis, je lis ça dans les journaux ce matin, là. Ouais, c'est encore des histoires de journalistes. J'imagine que juste cette petite phrase-là fait freaker les communications, les gars des communications du Canadien, juste pour pas se les mettre à dos, parce que sont leur machine de promotion numéro un, c'est des servants de l'équipe. Mais pour les gens des communications au Canadien de Montréal, n'oublie pas une chose très importante, et dans le cas de Quintal, peut-être que c'est l'exception, mais c'est pas la règle, c'est que pour eux, les joueurs, c'est des caves. Donc, ils peuvent pas leur faire confiance en les laissant comme ça. Ils sont pas assez brillants pour les laisser parler. Ils sont trop caves. Ouais. Ben voilà, j'ai un compte rendu. J'ai ici, quelqu'un me dit, dans le cas du Canadien, et là, c'est la version officielle, ils ont demandé l'entrevue d'hier parce que ils ont entendu dire par bouche à oreille que Jeff avait planté Quintal. Le contact, l'ami de Stéphane Quintal a appelé Stéphane Quintal et tout est arrangé. Ce qui s'était rendu à les oreilles, c'est que Jeff avait demandé à Quintal qu'est-ce qu'il faisait encore dans la Ligue nationale sans talent comme ça. Qui n'a jamais été vu. Hey, c'est une bonne question, pareil. Je lui demanderai demain. C'est bon de voir comment les choses s'arrangent à Montréal quand même. Ah non, mais regarde, Montréal puis Québec. Là. Écoutez, n'oubliez pas qu'au temps des Indiens, avant l'arrivée des Français, les tribus Huron de Québec et Iroquoises de Montréal s'entre-déchiraient. qui ont choisi hier. Hein. Ça, il y a un ethnologue qui a fait la preuve dans une recherche que la rivalité Québec-Montréal existait avant l'arrivée des Français. C'est quoi la raison? Parce que hier, j'essaie de t'expliquer que probablement... C'est des caves! Moi, mais tu sais, t'es gros, t'es... Oui. C'est simple de même. Ils comprennent rien! C'est... Montréal, c'est la capitale mondiale des Joe connaissants qui savent rien, des gens qui sortent jamais, des gens qui ont rien vu, et qui sont obligés de nous faire croire qu'ils connaissent tout, sans ça, ils vont avoir l'air caves. Et c'est quoi le temps qu'ils ont à perdre à s'assassiner avec Québec, à se comparer à Québec, alors qu'eux sont dans un giron, dans une grosseur là, de ville, pour aller se comparer avec les méga-cités de l'Amérique. Ouais. Ils sont pas capables. Ouais. Ils essayent, ils ouais. pointent vers la... Ils sortent la tête de la fenêtre, là. Ils regardent, ils disent, oh, sacrément, on est tous venus de rentrer. On va aller bêcher sur Québec, on est mieux par rapport aux autres. Donc, on va aller pogner l'handicapé. L'handicapé de la glace au lieu de pogner l'athlète. De par notre grosseur, d'après de parce que nous sommes en tant que ville, au niveau de l'économie reliée au gouvernement, ça a fait de nous autres une drôle de place. Mais une place sympathique qu'on aime pareil, puis mais les Montréalais, eux, c'est les leaders. Allez vous comparer aux villes de votre taille, et quand vous comparez, vous rentrez en voyant. Bras jaune. Effectivement, gang de cave. On dit ça pour les taquiner, on sait qu'on les aime beaucoup. On voit même dans la radio que chaque fois qu'ils sont venus à Québec, ils nous ont donné des leçons salutaires. En télévision, c'est la même chose. Ces gens en savent tellement plus que nous. Ils ont d'ailleurs, plus sorti. Si tu savais qu'il y avait des rumeurs, on nous avait rapproché des rumeurs qui n'étaient pas des rumeurs, qui étaient des faits, des vraies nouvelles. Mais là, les rumeurs partent de Montréal sur Guy Toutier, là. Il s'est suicidé, sa femme n'est plus là. Il y en a à tonnes. Ça part, là, c'est exagéré via Internet. Ça nous arrive de Montréal, là, tout croche. Mais il y a personne encore à Montréal qui s'est levé en disant « ça n'a pas de bon sens, les rumeurs », comme ils ont fait à Québec. Regarde, avez-vous vu une émission de Radio-Canada sur les rumeurs? Sur les rumeurs de Montréal, pas encore. Pourtant, il y en a. Puis on essaie de les éviter, on essaie de ne pas en parler, on essaie de faire semblant qu'ils n'existent pas. Mais dans la rue, de toi, avec les gens de le vrai monde, actuellement, on se pose la question « Guy Cloutier s'est suicidé, il est arrivé à la fin? » Nos collègues de CJMS à Montréal ont été inondés toute la journée de messages de gens bien intentionnés et dans certains cas des journalistes qui appelaient regarde, ça sort pas encore, mais Guy Cloutier s'est suicidé, vous savez où ça? Ça a fait une traînée de poudre. Puis j'ai pas entendu personne à Radio-Canada ou ailleurs organiser une émission en jeu ou quelque chose. Il y a du purin. Il y a du purin. J'ai pas entendu le maire Tremblay dire qu'il y avait du purin. Macron n'est pas encore rendu chez les amis de la politique comme on est arrivé vite à Québec. Là. Québec, c'est arrivé vite, là. Quand on s'est tout de suite aperçu que Jean-Paul Lallier était au cœur de toute cette affaire par ses amis, non pas lui personnellement, évidemment. Tout le monde sait que M. Lallier a une vie irréprochable au plan personnel. Mais aussitôt qu'on s'est aperçu que c'était tous ses amis sur son perron, il a paniqué. Sous-estimez pas que c'est Jean-Paul Lallier qui a parti à foire. Puis, ce qui a beaucoup aidé aussi, c'est quand François René est allé le remercier publiquement. Oui. Merci, monsieur, d'avoir fait ça. Il fallait que quelqu'un le fasse. On a apprécié beaucoup. Ouais, on a merci d'avoir là, dit tout haut là, ce que tout le monde pensait. Là. Ouais, c'était bien ça, ce qui est arrivé. C'était parfait, ça. Je sais pas si ces gens-là vont... parce que, as-tu remarqué que ces gens, avec un talent douteux, ont des carrières en radio depuis peut-être deux ou même trois décennies? Et je regardais ce matin le texte dans le Journal de Québec, là, qui faisait référence à la sortie du groupe Cogeco dans le National Post, disant que le 93, et c'est confirmé en passant, j'ai vu la photo et dans le texte, Claude Thibodeau est encore au 93, je pensais qu'il n'était plus là, il est encore là. Moi, je pensais que c'était une couple de mois, qu'il était retourné au soleil, il était retourné à TVA, je n'étais pas au courant, mais il est encore là, pareil. On apprend donc que la station pourrait changer de format. J'ai hâte de voir les François Rény, ces gens-là qui ont toujours réussi à se trouver des bancs et qui donnent espoir à n'importe quelle personne qui a un talent X. Hey, réveille-toi, Fillon, Cibol, Rémi d'Anjou travaille encore. Ben, c'est ça que je te dis. Bon, regarde, Rémi d'Anjou travaille encore. Penses-tu que François Rény, avec toute l'énergie qu'il a, les amis qu'il a, regarde, il va se trouver de quoi? Ils vont le récupérer à quelque part. Ils vont faire de quoi? Ou ils vont s'en servir pour autre chose? Voyons là! Ah oui, c'est toujours comme ça. Parce que, à Québec, c'est pas d'hier que les contacts remplacent le talent. C'est pas d'hier. Est-ce que j'ai entendu mon histoire des oranges sur François? Oh, non. T'as jamais entendu ça? Attache à ceinture. Les oranges à François? Oh, oui. Raconte-moi ça. Mais André, recule-toi un peu sur ta chaise parce que tu vas rire. Là. Je suis reculé. Parfait. Un peu avant un souvenir, J'ai une banque de souvenirs. Roger. Oui. On est en onde. Oui. Es-tu là? Oui, ben oui. Ben oui, ah, OK. Ben, il est là. Il était là. Ben oui, parce que les oranges ne goûtent pas tout pareil. Ben non, absolument. On trouve plusieurs variétés sur le marché d'oranges. On retrouve, par exemple, l'orange sanguine. Oui. On la reconnaît facilement avec la chair rouge là, qui est disponible sur les tablettes de décembre à avril. J'en ai vu hier des très bonnes. J'ai failli en acheter au Jardin Mobile hier. Ah oui? Et, belles oranges sanguines. Belles oranges sanguines, oui. J'aurais dû d'ailleurs sanguiner par après. Vous allez comprendre que c'est arrivé au IGA, mais à cause des commanditaires, il a changé. Il est arrivé à IGA, c'est au Jardin Mobile. Ouais. L'orange de Valence, qui vient de la Floride, qui est une orange plus un petit peu plus grosse que l'orange sanguine, de moyenne à grosse, on en trouve des un petit peu plus grosses. Et il y a aussi celle qu'on consomme beaucoup, beaucoup, nous, les Québécois, c'est la Navel. Oui. Hein? Celle-là, vraiment, c'est celle avec des petits bébés dedans. Ah oui, oui. Celle de la palette comme ça. Et la fameuse Sunkist, évidemment. Mais la Sunkist, ça, c'est... Appellation. Ah, c'est une appellation, ouais, c'est pas une sorte d'orange, c'est plutôt une marque de compagnie, quoi. C'est des oranges qui sont cueillies aux États-Unis. Mais comment un chien peut être président d'une compagnie? Ça me rappelle exactement là, l'entrevue de Benoît Johnson qui a probablement mis fin à sa carrière à TVA avec Mitsou, le seul intervieweur qui a réussi à se faire endormir par Mitsou. C'est que juste avant, elle dit la Navel, puis là tu l'entends encaisser à la positive en disant « Ah oui, oui, oui, la oui. Navel, je connais. » Il y a la Sunkist aussi. C'est un peu pathétique, ça fait penser aux gens de Star Academy qui pensaient que les bananes, six-pack. Mais c'est la Valence qui vient de Floride, tu sais. Valence, c'est une ville en Espagne. Ben oui. C'est tant qu'à remplir, tant qu'à faire du temps. On appelle ça de la discussion de haut niveau. Ouais. On fait du temps, mais on est là pour faire de la radio de prétentieux. Mais elle fait la même chose, la même fille, avec Petit Bedeau, monsieur Dainci. Hein? Ah oui. Tout ce qu'il dit, c'est correct. Et puis, même s'il fait des écœurantries à des gens qu'elle considérait comme des amis, c'est correct. Alors, c'est pas fait fort, ça, là. C'est pas fait fort. J'ai aucune idée, c'est qui la fille? Ben, c'est la flamme. C'est Nathalie. Ah, okay. Nathalie. C'est sa femme. J'ai encore sa femme. On sait plus. Ouais. Ok, c'est sa femme, ça. Oui. Ah! Oui. Ok, moi, je la connais pas de voix. C'est elle, ça. Ouais. Ben, c'est difficile aussi de faire la différence entre sa femme et sa fille parce que l'une imite l'autre. Ah, il s'est mis. Mais dans ce cas-ci, je pense que c'est Nathalie, sa femme, puis elle travaille maintenant avec Petit Bedeau, puis toutes les saletés que Petit Bedeau fait, elle rit, elle roucoule derrière, puis elle est bien loyale, puis c'est pas du monde d'intégrité, là. On m'a déjà dit qu'elle avait dit à la radio, en tout cas, il semblerait même qu'il y ait des preuves audio de ça, à un moment donné, quand il y a eu un bashing sur mon cas, qu'elle a dit, à un certain moment donné, j'ai failli travailler à choix, et j'ai demandé à rencontrer Jeff, qui a refusé de me voir. Ce qui n'était pas le cas. Il y a quelqu'un qui voulait la voir comme chroniqueuse ou je sais pas trop quoi. Puis moi, je lui dis, regarde, c'est pas mon émission. Si quelqu'un veut l'engager puis veut la payer, c'est pas de mes affaires. Mais c'est pas comme ça que c'est arrivé. La fille n'est jamais venue ici parce que François Rény m'a demandé ceci. Si jamais elle fait une chronique à choix pour telle émission, il faut qu'on ait un papier écrit comme de quoi que Jeff Fillion ne parlera plus jamais de François à la radio. Et dans mon cas, c'était no fucking way. Ah ouais? Ben oui. Le monde est petit. Hein. Les histoires après ça, donc, on a changé un peu l'histoire avec les mois, là. On va s'arrêter 2 minutes, André, si tu veux bien. OK. Restez à l'écoute. André Arthur vous revient de l'autre côté de la pause. Combien de temps choisir un Nissan? Il y a toujours un air qui me revient. Venez chercher votre superbe Nissan Sentra 2004 en location à seulement $199 par mois pour 5 ans avec un léger raconte et zéro dépôt de sécurité. Pour une Sentra 2004, c'est chez Capital Nissan qu'il faut aller. Quand vient le temps de choisir une Nissan? Bonjour madame, notre représentant en porte et fenêtres va passer dans votre quartier. Bonjour monsieur, les spécialistes de porte et fenêtres Québec ont tout rénové il y a trois ans. Du beau travail. OK. On peut vous rappeler, disons, dans 20 ans. Portes et fenêtres Québec, les prix imbattables, la plus belle salle de montre à Québec, le système triple vert et un choix unique de couleurs garanti 20 ans. Pour une estimation gratuite, faites le 681-7799. Portes et fenêtres Québec, du beau travail. Votre nouvelle saison de golf débute par un passage à l'événement golf chez Swing de Golf, le long de l'autoroute 20 à Lévis. 2-1 sur les souliers Reebok, 2-1 sur les polos Greg Norman et 25% de rabais sur les nouvelles collections 2004. Sans oublier, le plus grand choix de bâtons et de sacs au meilleur prix dans la région. Avec Swing de Golf, vous faites affaire avec des pros accrédités CPGA. Et pour mieux vous servir, venez voir notre nouvelle boutique à Sainte-Foy, sortie Jean Gauvin, à côté du IGA des sources. Swing de Golf, toujours 100 verges en avant de la compétition. Vous vous posez des questions sur votre cuisine, sur votre salle de bain et le centre de coupe Paul Deslauriers a la solution. Une équipe qualifiée, plus de 35 ans d'expérience avec une vaste gamme de produits, dont les portes d'armoire, des comptoirs de stratifié, des comptoirs de granit et les nombreux produits en mosaïque comme les comptoirs, les dosserets de cuisine, les intérieurs de douche et de salle de bain. Allez voir cette nouvelle mosaïque de verre, le produit le plus hot actuellement en Amérique. Le centre de coupe Paul Deslauriers au 652-0008. Retour, André. Hey, tu sais, je lançais un appel à mes auditeurs ce matin. Yes. Je disais, on nous présente des héros qui sont des fakes. Je te donne l'exemple de Piché, le pilote d'Air Transat, qui a mis tout le monde dans la merde parce qu'il est un incompétent, qui est aussi un criminel, un transporteur de potes, mais qui, par miracle, et grâce à l'intervention de son copilote qui l'a ramené à la raison, il a réussi à pas tuer tout le monde avec le vol d'Air Transat qui s'est planté aux Açores parce qu'il n'y avait plus de gaz, mais tout le monde sait, dans le milieu de l'aviation, que c'est lui qui a causé le problème, qui a amené son avion dans cette situation-là. Pourtant, on fait un héros avec, on lui donne les clés de la ville, il écrit un livre, il est invité à la télévision, et je me dis, la machine à héros au Québec, elle a l'air détraquée. Autre héros qu'on traîne partout, cette loque humaine se lâche, Roméo Dallaire. L'homme qui a été envoyé au Rwanda pour empêcher un carnage, et qui, ayant raté sa mission, se plaint d'avoir été témoin d'un carnage. C'est fort, ça. Et qui, comme chef de guerre, a abandonné ses militaires. Parce que lui, sa job, c'est d'y aller, André, puis d'empêcher ça. C'est il ça. Était témoin, mais il en parle, c'est on ça. Voit un héros. Là. C'est comme le policier qui est le garde du corps qui se plaint d'avoir été victime de l'assassinat du gars qu'il était censé protéger. Et le pompier qui n'éteint pas un feu, il y a eu 12 morts dans le feu. Aidez-moi, ouais. Je souffre beaucoup. Et Dallaire, en plus, la chose, il est considéré comme un lâche dans presque tous les pays d'Europe parce qu'il a laissé assassiner 10 de ses hommes, des Belges, sans intervenir. Alors qu'il prenait le café avec le gars qui avait collé la shot. C'est épouvantable, Dallaire. On nous fait un héros avec la gouverneure générale du Canada, la chinoise, l'amène en voyage quand elle se déplace parce que c'est un héros, c'est un symbole. Et je posais la question à mes auditeurs. Quand vous parlez à vos enfants, de gens que vous admirez, de qui vous parlez? Toi-même, là, tu élèves des enfants là, qui vont de plus en plus s'éveiller à ce qui se passe dans le monde. Là. Toi, là, quand tu vas parler à tes enfants de gens que tu leur suggères d'admirer, de qui tu vas leur parler? Elle est où la fabrique à... la fabrique à héros? Puis, je ne sais plus quoi dire. Ouais. La réponse, je dis souvent que plus je vieillis, plus je découvre des choses que j'aurais pas besoin de connaître. Ouais. On dirait que je doute de plus en plus. J'ai de plus en plus de doutes sur tout. À un point où on en est quasiment malheureux. Puis ça nous enlève probablement des rêves, effectivement. Il y a des institutions qu'on trouve, on pensait intouchables, ça inclut du monde. Ouais, on parle pas de gens parfaits, là. Non. On parle de gens dont on peut dire à nos enfants, observe telle chose, c'est admirable. Puis shit, je m'aperçois qu'on non seulement on nous a proposé des héros qui n'en sont pas, des Roméo Dallaire en particulier, autant maintenant, on ne nous propose pas de héros comme si le simple fait de les avoir désignés comme étant intéressants avait ensuite amené la meute des imbéciles à leur trouver que des défauts par la suite pour les faire ensuite disparaître. En tout cas, j'en vois pas en politique. Le plus proche que j'ai eu d'un héros en politique, ça pouvait ressembler à Pierre Trudeau. Puis plus on connaît les détails de sa double vie, moins il est héros. Dans le domaine artistique, regarde, j'ai le choix entre quoi? Dan Bigra puis Pierre Falardeau. Dans le domaine... Ça dépend toujours ce qu'on cherche, hein? Moi, j'essaie de trouver des gens qui, malgré leur succès, malgré leur richesse maintenant accumulée, sont demeurés les mêmes, des gens grandés les deux, qui sur le plancher des vaches, puis qui sont capables de, tu sais, malgré les milliards dans le compte de banque, sont capables de triper sur un frit ou une poussine quand il en voit une. On nous a cité M. Lamonde d'Expo jusqu'à temps qu'il fasse un fou de lui depuis quelque temps à devenir un soutien de Jean-Paul Lallier dans les fusions, alors qu'on devine maintenant qu'il y a des espoirs de subvention pour quelque chose, lui-là. Tu sais, on réussit jamais. Moi, je ramènerais ça au livre de John Kennedy, alors qu'il était un jeune politicien. Il a écrit un livre qui s'appelle Profiles in Courage. Des exemples de courage qu'il donnait. Et il citait des gens qui, au mépris de leurs intérêts, par respect pour leurs principes, avaient pris des positions qui auraient pu leur nuire, mais qu'ils estimaient vraies et correctes. Et il les avait mis de l'avant. Puis la suite... Et c'est qui au Canada, au Québec, qu'on connaît comme quelqu'un qui a risqué... On vient de descendre ça au Québec, au Canada, là, c'est encore plus tough. Ouais, j'essaie de voir des gens que je pourrais citer à mes enfants en disant, check ça, là, cette personne-là aurait pu dire comme tout le monde des niaiseries, aurait pu faire des François Reny à tous les jours. Mais un jour, cette personne-là est allée au-delà de ses intérêts, a fait quelque chose qui avait l'air peut-être fou, mais il l'a fait par courage. Myriam Bédard? Ben, c'est ça, Myriam Bédard. Myriam a fait de l'humour maintenant. Dans sa cellule capitonnée. Tu sais, qui il me reste, là? Dans le domaine des athlètes, personnellement, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Nancy Green. Pour nous autres, c'est une grand-mère, on ne sait même pas c'est qui. Ah, fait, la skieuse, mais c'est une skieuse qui est tellement... C'est tellement rien que... Tu sais, il faut faire attention. Ouais, c'est ça. Il faut faire attention. Moi, j'ai plein de gens dans un domaine X que je me dis, oui, j'ai de l'admiration. J'en ai beaucoup dans le domaine de la musique. Un acteur, il y en a qui vont dire, hey, Jack Nicholson. Mais Jack Nicholson, tu regardes sa vie en dehors des films. C'est une vie tellement tout croche que c'est pas un exemple pour personne. Nancy Green, pour les gens qui la côtoient à Calgary dans les bureaux de Ski Canada, c'est une plante verte, là. C'est ça. Et un héros, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a du talent. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose qu'on va citer en exemple à nos enfants en disant, voici quelqu'un que tu peux viser comme modèle à certains égards. Puis j'en cherche sacrément, j'en trouve à peu près pas. Puis si je baisse mes longues vues à plus proche de moi, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection et d'admiration, Jean-Marie de Comin en est un. Voici un homme qui est un des meilleurs mathématiciens au monde. Qui est néanmoins professeur dans une université de broche à foin comme l'Université Laval et qui a inventé l'opération des rouges. Je me dis, ce gars-là a une constance puis qui est en plus un coach de natation au plan olympique. Je me dis, à un moment donné, il faut que je m'arrête et que je me dise, ce gars-là a fait des choses que je peux citer en exemple. Je sais pas s'il atteint le niveau de héros. Mais t'as mis probablement le doigt dessus. Souvent, les personnes qu'on doit regarder, c'est peut-être les personnes, justement... Plus en retrait. Plus en retrait, moins connues. Jean Vanier, Lucille Tisdale, il y en a quelques-uns. Ouais. Mais des gens connus. Puis au Québec, j'en parlais un peu avant de rentrer en onde. Tu sais, je voyais que José Lito, en peu de temps, lui qui est parti de un incapable de faire de la radio auparavant dans le bas du fleuve, a rencontré une chanteuse qui avait besoin d'un gérant. Puis finalement, bon, on sait ce qui est devenu Isabelle Boulay. Je regarde, elle mérite ou elle mérite pas d'être arrivée pareil, mais elle est là. Lui a décidé de la laisser pour pousser sa carrière dans la communication, puis il a profité de la tribune de Star Academy. Or, Star Academy fait tellement des stars avec rien, des gens sans talent, sans profondeur, rien, là, qu'il est devenu, même à la grandeur du réseau, quelque chose que tu n'auras jamais, André, que tu n'auras jamais eu dans ta carrière de communicateur, jamais autant faire une émission de radio à la grandeur du Québec. T'as jamais eu ça, là? L'as-tu eu dans le temps de s'est cassé? Oui. C'était juste, j'étais juste Québec-Montréal. Québec-Montréal, hein? Oui. Il y a un petit bout de temps, j'ai fait l'informateur, mais ils m'ont mis dehors bien vite. OK. Mais on s'entend que José Lito, comme communicateur, en peu de temps, est devenu une star québécoise. Et là, on pense lui donner à TVA une tribune, peut-être même la tribune à tous les soirs, celle de David Letterman, le genre, là, à 10h le soir, où il va faire une heure. T'sais, on bâtit nos stars tellement vite que quand on fouille la star qu'on a bâtie, soit le chanteur, soit le sportif ou n'importe quoi, on se rend compte que on n'a rien. C'est vide. C'est quelqu'un qui a été monté là parce qu'on a un petit coin puis on cherche des vedettes. C'est vrai là qu'on cherche un héros, puis il y a peut-être un gars qui, depuis 30 ans, te livre ton journal à la bonne heure tous les matins. En plein ça. N'a même pas. Puis a traversé toutes les difficultés de la vie puis de la météo. Je te dirais que dans la dernière année, j'ai regardé ma chum Joanne se battre contre le cancer pendant 14 mois, puis pas montrer à personne que ça lui faisait mal, puis de savoir après deux semaines qu'elle était condamnée à mourir en dedans d'un an, puis de vivre avec les enfants pareil à travers ça. Ça, je vais me dire de quoi, je regardais ça, là. Puis j'ai appris bien plus à voir Joanne agir là-dedans, puis même dans la dernière semaine où c'était tough, là, où c'était, regarde, elle était tellement droguée qu'elle-même, ça ne semblait pas de son nom, même dans ces moments-là, j'ai vu que ça, c'est des héros. Ça, les gens qui se battent, les gens qui se plaignent pas, les gens qui acceptent leur sort, ben, je me dis, une leçon à tirer de ça, bien plus que n'importe quel chanteur ou comédien québécois qui va arriver dans le lundi et va me raconter c'est quoi le bonheur, c'est quoi l'amour. On le fait ça souvent hein, dans le lundi. Regarde, vu que vous nous aimez, là, on va vous raconter c'est quoi l'amour. Nous autres notre couple, là, les deux semaines plus tard, sont plus ensemble. Oui. C'est de la cochonnerie, là. Pourquoi je me marie et le divorce? On est rendu vide, André, on n'a plus rien. On nous dit que ces gens-là sont des héros et on nous présente des gens qu'il est facile de démontrer qu'ils sont soit des imbéciles, soit des malhonnêtes, soit des lâches. Comment on fait pour parler à nos enfants sérieusement maintenant, de leur dire, écoute, voici quelqu'un que tu peux utiliser comme modèle dans certains aspects de ta vie. Puis je ne sais plus quoi leur dire. Parce qu'on cherche, je pense qu'on cherche trop loin peut-être. On cherche des gens qu'on voit à TV puis qu'on écoute à ben des ondes, qu'on entend à la radio via des tonnes ou n'importe. Alors que peut-être. Donc s'il y avait des héros, le dernier à s'en apercevoir, ce serait TVA. Oui. Ouais, parce que les autres, ils cherchent. Les autres, ils vont nous faire de la merde. Les autres, ils cherchent tout sauf la profondeur. Ben, c'est carrément ça. Ils vont nous faire du médiocre, ils vont nous faire du cheap, ils vont nous faire du... j'ai toujours parlé de ce grand homme de radio ridicule, prétentieux et arrogant, Philippe de Gaspé, Bourbon pas cher, là. La richesse, c'était pour lui, la pauvreté, c'était pour les autres. Mais ces gens-là ne nous ont jamais présenté un idéal quelconque dans n'importe quel domaine. Et ça me bouleverse, parce que je trouve qu'une société a besoin de proposer à ses enfants des modèles même partiels. Puis ça me bouleverse. Regarde, je vais t'en venir avec Théo. Regarde le cas de Théo. On fait un héros avec Théo alors que c'est un petit crotté qui se tient avec des Hells Angels. Tu sais, ce gars-là, il n'y a rien, là. Tu fais une entrevue, ça n'a rien à dire, ça n'a pas de profondeur, ça n'a rien, ça gaule ordinaire, mais ils ont décidé que ça prenait une star, puis c'est lui. Puis il y a du monde qui embarque. Oui. Puis un méchant paquet, hein. Les chandails de Théo, là, dans le centre d'elle, là, c'est lui. La tuque, elle est. Il n'y a pas un match à Edmonton dehors. Tout le monde va à la tuque. Tout le monde va à la tuque. Par exemple, la Chambre de commerce de Québec ou les amis là, du pouvoir à Québec là, vont célébrer à la fin d'avril le héros québécois de l'année, le grand québécois. Il nous présente trois vieillards, trois personnes de 70 ans qui ont deux sur trois sont probablement des homosexuels clandestins qui n'ont jamais eu le courage de s'affirmer. Et les trois sont des gens d'une extraordinaire insignifiance qui n'ont rien accompli dans leur vie. Un ancien ministre, un ancien homme d'affaires, un ancien haut fonctionnaire. Mais ça va être présenté à la communauté québécoise comme des grands Québécois. Okay? Alors qu'on est en plein dans le pouvoir rose corrompu de Québec. Je ne sais plus. je suis profondément inquiet de mon incapacité à dire à mes enfants, voici quelqu'un qui est allé au-delà du nécessaire dans un domaine et qui peut te servir de modèle. Je peux te revenir avec un autre qu'on voit comme un grand, parce qu'à chaque fois qu'il fait un pet, il faut se sentir de la gang. Oui. Jacques Parizeau. Oui. Et alors, Jacques Parizeau, là, l'histoire de Bernard Landry tirée d'un livre, ça intéresse personne. On fait des premières pages encore, c'est quoi, hier ou ce matin dans le soleil, première page, Parizeau dément Landry, puis on se relance une histoire banale qui intéresse personne, et les journalistes et les gens qui nous vendent les journaux nous mettent ces histoires-là en première page, comme si c'était le combat des titans. Et le jour où on saura tout sur Jacques Parizeau, on aura mal au cœur. Du vin et des roses. Ouais. Un ivrogne, mais bien plus encore. Le jour où on saura tout sur Jacques Parizeau, on aura le goût de vomir. Comment dirais-je? Denis m'envoie un message, il dit, je crois que Grégory Charles a l'étoffe d'un héros. Ben oui. Ah. Please! Mais il est pas sérieux, là. Oui. Non, lui, il est dans 1650, il voit lui tourner les listes. Denis ajoute, il y a aussi mon épouse qui a souffert d'un cancer, qui a toute mon admiration. Tu vois, le gars, il près de lui, il y a peut-être une vraie héroïne, puis à TV, on lui propose un guignol comme Grégory Charles, qui est un gentil garçon, mais profondément insignifiant. Il est blanc, il est pas à TV, là. La raison pourquoi il est là, il est noir, il chante du gospel, il joue du piano, il est... Ah, il y a du talent sans rien des oreilles. Ah, il y a du talent partout, mais... Le collège Brébeuf. Mais le blanc, il n'y aurait pas eu de carrière. Exact. C'est plate, mais c'est ça. Ouais. Merci, André. Salut. Salut, on va en chercher aujourd'hui. OK, à demain. Salut, bye.